Bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière édition en langue française de ce 19 août, dont voici les principales articulations. Le manque de carburant fait toujours parler de lui dans la ville de Bujumbura. Des files d'attente sont toujours constatées alors que d'autres stations-service semblent fermées. 11 candidats officiers burundais ont déjà déserté l'armée nationale. Le porte-parole de la Défense nationale a annoncé ce vendredi au cours d'une conférence de presse, indiquant que ce sera suite aux messages circulant sur des réseaux sociaux. C'est ce samedi 20 août que se tient en province Gitega le congrès national du parti CNDD-FDD pour élire de nouveaux organes dirigeants de ce parti. L'actuel président du parti, Pascal Nyabenda, fait savoir qu'il ne se portera pas candidat. 9 cas de choléra ont déjà été inventoriés et tous les patients proviennent des zones Kinamaingagara, à l'endroit appelé Kumase, c'est au nord de la capitale Bujumbura. Vous aurez des précisions dans ce journal mis en onde par François Kimana à la présentation. Mireille Kanyange, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page sécurité pour débuter ce journal. Un journaliste du nom de Irakoze Gissa Steve de la radio Bouja FM a été arrêté hier par la police au bar Tam Tam non loin de chez lui à Kajaga de la zone Gatumba commune Mutimbuzi. Certaines sources indiquent qu'il serait détenu dans les caches du service national de renseignement à Bujumbura. Sa famille craint pour la sécurité de ce journaliste qui, selon cette famille, souffre du diabète. Le porte-parole de la police nationale, Pierre Ngurikiye, via son compte Twitter, a fait savoir que ce journaliste est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Le journaliste Jean Wigilimana de l'hebdomadaire Watch Info Grand Lac, lui, reste toujours introuvable. Il a été kidnappé à Bugarama, commune et province de Muramvya, le 22 juillet 2016. C'est dans cette zone de Bugarama, précisément dans la rivière Mubarazi, où deux corps sans vie ont été retrouvés et repêchés le 11 août dernier. Mais personne ne peut savoir jusqu'ici si parmi les deux figure ou pas celui du journaliste Jean Wigilimana. C'est toujours de l'incertitude de la part de la famille du disparu et du groupe de Press Watch qui a annoncé dans un communiqué qu'il va poursuivre ses enquêtes. L'ONG Reporters sans frontières demande au président de la République en personne de s'impliquer pour que le journaliste soit retrouvé. Et l'organisation demande des preuves de vie du journaliste et l'ouverture d'une enquête officielle pour déterminer où il se trouve. Une demande qui a également été formulée par les organisations des professionnels des médias burundais, à savoir l'Association burundaise des radiodiffuseurs, l'Observatoire de la presse burundaise et l'Union burundaise des journalistes. En attendant, la police nationale et le service national des renseignements disent n'avoir pas arrêté le journaliste Jean Wigilimana. Kameya Méthode, un conducteur de taxi moto à Kanyosha, est porté disparu depuis le 8 août courant. Sa femme Akimana Bella indique qu'elle a vu son mari cette date pour la dernière fois et que depuis, pas de nouvelles. Elle était avec Karine Buto, stagiaire à la radio Isanganiro. Son motard était connu sous le nom de Kameya Méthode. Comme l'indique son épouse Akimana Bella, il a disparu au moment où il vaquait à ses activités quotidiennes. Akimana Bella nous décrit les circonstances dans lesquelles son mari a disparu. Comme elle affirme, son époux n'avait aucun problème avec personne. Il était un homme humble. C'était lundi le 8 août. Il est venu vers 16h et il m'a dit qu'il a failli être attrapé. Je lui ai posé la question de savoir de quoi il s'agit et il m'a répondu que nous allons en parler dès son retour. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas où il est. J'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Il n'a aucun problème avec l'entourage. C'est un homme humble. L'épouse de Kameya Méthode continue à affirmer qu'ils sont allés le chercher avec son beau-frère dans les différentes prisons, mais ils n'ont pas encore eu de ces nouvelles. Ici, elle indique que l'administration locale est au courant de cette disparition. Nous avons porté à la connaissance de nos dirigeants, mais en vain. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a plus de ces nouvelles. Le chef de zone nous a répondu qu'il ne serait peut-être pas ici au pays. Mais je ne confirme pas cette information. Je sais tout simplement qu'il a disparu. Son épouse demande aux administratifs de tout faire pour retrouver son mari, même si le chef de zone Kanyosha affirme de ne pas être au courant de la disparition de cette personne. Abraham Bamhoye demande à la famille de collaborer avec lui pour les enquêtes. Karine Buto, il est toujours par sécurité. Au moins 11 candidats officiers burundais ont déjà déserté l'armée nationale. Dans un point de presse du ministère de la Défense nationale, son porte-parole a expliqué qu'ils ont eu peur suite aux messages qui circulaient sur des réseaux sociaux en présentant des listes de ceux qui vont être arrêtés. Le colonel Gaspard Baratuza annonçait que certains étaient à l'étranger et d'autres à l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM. On l'écoute. 5 cas de désertion ont été recensés à l'Institut supérieur des cadres militaires pour les candidats officiers au cours de ce mois d'août 2016. 4 cas sur 17 candidats officiers qui avaient été envoyés pour des stages de formation académique en Éthiopie à partir de 2011 pour une période de 5 ans. Ils venaient de terminer les stages. 4 parmi eux n'ont pas rentré, mais 13 autres sont déjà sur place ici dans notre pays après cette formation. 2 cas d'abandon scolaire à l'école militaire royale des cadets en Belgique où les 2 candidats officiers partis respectivement en août 2012 et en septembre 2014 pour une formation académique de 5 ans sont manquants à leur poste de tâche depuis le mois de juillet 2016. Le commandement de la Force de défense nationale signale à tous les militaires qu'il y a une machine qui s'active pour semer la division au sein du corps, envie de créer le chaos dans tout le pays et atteindre facilement ses ambitions. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants recommande au ministère de la Force de défense nationale de ne se laisser pas emporter par des messages à travers des réseaux sociaux, de ne pas tendre oreille aux propos divisionnistes de certains politiciens qui ne veulent que la scission du corps qui est le garant de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Pour conclure, rappelons l'article 256 de la Constitution qui stipule que les corps de défense et de sécurité sont organisés de manière à garantir l'unité en leur sein, la neutralité politique des membres ainsi que l'impartialité dans l'accomplissement de leurs missions. Le porte-parole de l'armée nationale ajoute que l'ancien porte-parole de cette institution, le colonel Adolphe Manirakiza, qui était en Centrafrique, a présenté sa démission écrite aux autorités de la FDN. Le colonel Gaspard Baratuza précise qu'il reste à ses autorités de statuer sur le cas. Page politique de ce journal, c'est demain samedi le 20 août que le parti CNDD-FDD va se doter de nouveaux organes dirigeants du parti au niveau national. Pascal Nyabenda, président de ce parti, indique que dès demain, au terme du congrès extraordinaire qui se tiendra à Gitega, le président du parti s'appellera le secrétaire général du parti conformément aux amendements du règlement d'ordre intérieur de ce parti. Il ajoute que le secrétaire général du parti remplira également la fonction de représentant légal. On l'écoute. Ce 20 août, le parti CNDD-FDD va organiser un congrès extraordinaire. Je dirais que c'est un congrès qui va achever les activités qui avaient été commencées par le congrès extraordinaire tenu en Ngozi. C'était en date du 18-19 juin de cette année 2016. Et maintenant, le troisième point qui est très important, c'est le point concernant effectivement l'élection de nouveaux dirigeants au niveau national du parti CNDD-FDD. Maintenant, les 2 mois vont s'achever effectivement le 20 août. Ça sera en fait cette activité principale de pouvoir mettre en place l'organe dirigeant au niveau national du parti CNDD-FDD ce 20 août 2016. C'est ça l'activité principale. L'honorable Nyabenda Pascal va se représenter à la tête du parti CNDD-FDD. Je ne vais pas me représenter comme candidat à l'élection qui va se faire ce 20 août. Pourquoi ? Parce que effectivement, les statuts qu'on utilisait prévoit que effectivement c'est un mandat de 5 ans non renouvelable. Et même cet article a été maintenu même pour de nouveaux statuts, même au niveau du règlement. Donc celui qui dirige le parti, c'est pour seulement un mandat de 5 ans non renouvelable. Vous comprenez très bien que je ne serai pas candidat. Est-ce que le président du Conseil des sages peut être dirigeant ou président du parti CNDD-FDD actuellement? Oui, effectivement, il y a eu des amendements, comme je l'ai dit, au niveau des statuts, au niveau du règlement intérieur du parti. Le rôle que jouait le Conseil des sages reste le même, même au niveau de nouveaux statuts. Ça veut dire que pour le moment, on a changé tout simplement l'appellation. Celui qui était appelé président du parti Aujourd'hui, il s'appelle le secrétaire général du parti. Mais les fonctions sont les mêmes que les fonctions du président sortant. Page santé sans transition. L'épidémie de choléra a déjà touché le district sanitaire nord de Bujumbura. 9 cas ont déjà été inventoriés. Tous ces patients proviennent des zones Kinama et Ngagara. À l'endroit dit Kumasi, cette épidémie s'est déclarée depuis le 27 juillet 2016 dans le district sanitaire sud de Bujumbura, couvrant les localités de Kabezi et Ruziba. Pour combattre cette épidémie, le porte-parole du ministère de la Santé a annoncé au cours d'une conférence de presse que ce ministère a déjà commencé à appuyer la Régie nationale de distribution de l'eau et de l'électricité, Régie des eaux, dont la distribution de l'eau suivait Tade Ndikumana. Pour essayer de résoudre la problématique d'accessibilité à l'eau potable, et les partenaires et le ministère ont déjà disponibilisé dans le district Mérisud 4 bladers qui sont installés à Roziba et à Kanyosha, mais aussi 3 autres bladers qui sont installés dans le district de Kabezi. Les médicaments et les autres intrants sont disponibles. Actuellement, alors, nous interpellons la population à sensibiliser surtout la population pour qu'elle puisse observer les mesures d'hygiène, parce que, comme vous le savez, le choléra, c'est une maladie des mains sales. Et le rôle de la population et des élus locaux, c'est quelque chose qui est primordial pour venir à bout à cette épidémie. Le ministère de la Santé publique a annoncé publiquement que l'épidémie de choléra sévit dans les districts sanitaires de Kabezi et des districts sanitaires Mérisud. Actuellement, nous avons les chiffres qui avoisinent en 1212 malades qui sont référés dans le centre de traitement du choléra de Kabezi. Et parmi ces 112 malades, 102 malades ont été traités et guéris. Et 9 restent en hospitalisation au CTC de Kabezi, tandis qu'un patient est décédé suite à une co-infection liée au choléra et au paludisme. Et actuellement, nous avons aussi un autre centre de traitement du choléra qui a été dirigé à l'hôpital Prince Jean-Charles pour accueillir les malades de choléra qui proviennent du district Mairie Nord. Actuellement, nous avons 9 malades et 8 restent en hospitalisation et un patient est sorti guéri. Alors, la provenance de ces patients, c'est à Mairie de Bujumbura. Ils proviennent spécialement dans le district Sud et dans la zone de Ruziba et Kanyosha. Et tandis que dans le district Mairie Nord, ils proviennent principalement de Kinama, dans le quartier Bukirasazi, mais aussi au niveau de la zone industrielle communément appelée Kumasi. Tade Ndikumana, c'est le porte-parole du ministère de la Santé publique dont les propos ont été recueillis par Aubin Niyonguru. Le paludisme continue à se faire remarquer chez beaucoup de patients dans la province sanitaire de Muramvya. Plus de 100 000 personnes souffrant de cette maladie ont été soignées dans cette province au cours de ces derniers mois, selon le médecin directeur de la province sanitaire de Muramvya. Les agents de santé communautaires vont désormais être associés dans le traitement à domicile de cette maladie. Les détails avec Laurent Ndikuriyo. Selon le médecin directeur de la province sanitaire de Muramvya, Anakle Nahayo, depuis le mois de janvier de cette année 2016, plus de 100 000 patients souffrant de la malaria ont été soignés dans différentes formations sanitaires de la province de Muramvya. Parmi ceux-là, 78 cas de décès ont été inventoriés suite à la malaria, la plupart étant arrivés à l'hôpital dans un état grave. Le médecin directeur de la province de Muramvya dit que même si ce nombre a diminué par rapport à l'année dernière, car ils enregistrent aujourd'hui environ 1500 cas de paludisme par semaine, au lieu d'environ 4500 cas par semaine l'année dernière, les cas de malaria continuent à se remarquer. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus menacés, précise Dr Nahai Anakle. Pour lutter contre cette maladie, les agents de santé communautaire vont aider en soignant à domicile les enfants de 2 mois à 59 mois, dans le cadre de la stratégie dite PECADOM, c'est-à-dire prise en charge des cas de paludisme à domicile, pour rendre accessibles les soins de santé au niveau communautaire. Le médecin directeur de la province de santé de Muramvya a dit que 52 agents de santé communautaire de la commune Mbouye ont été préparés par les responsables de la santé en ce qui concerne les signes de la malaria, la façon de la traiter et le test de diagnostic rapide pour les cas graves. Ils signalent qu'ils seront référés aux centres de santé et hôpitaux de la province. Cette stratégie dite PKDOM est également d'usage depuis une année dans la commune voisine de Rutegama. Signalons que cette activité a été lancée ce jeudi en commune Mbouyé, les agents de santé communautaire ayant reçu un kit irrelatif grâce à l'appui de l'ONG World Vision qui travaille dans la province de Muramvya. De Muramvya, Laurent Dikurio, Radio Isanganiro. Merci à Laurent Dikurio. Contrairement à la province de Muramvya, la malaria a sensiblement diminué en province Ngozi. Le médecin provincial explique que cette diminution est le résultat d'une campagne de sensibilisation menée en synergie par les centres de santé, les agents de santé communautaires et la population elle-même. Sibier Sendegaya précise que la population a fini par comprendre et mettre en application les mesures de prévention. Je vous le disais en titre, un manque de carburant s'observe toujours sur certaines stations de la ville de Bujumbura. Parmi les stations que nos reporters ont visitées dans l'après-midi de ce vendredi, ils ont remarqué des files d'attente des voitures là où on était en train de distribuer le carburant, tandis que d'autres stations semblent fermées car il n'y en avait pas. Détail avec Gilda Serubelingavo. Sur les stations qui avaient du carburant, il s'observait des longs files d'attente des voitures. Il s'agit notamment de station Kingstar de Buiza, station Engen appelée communément Kwakatikati. Sur la route Rumongue, on en trouve sur les stations de Mogaz, Muha, station Kibenga, mais là également on doit faire la queue. C'est la même chose que sur la route de l'Oré du Golfe menant vers Chanik. Même sur la route menant vers Gatumba et les stations en bas du marché Kotebu. Station Delta en bas du marché Bujumbura City Market, appelée commune Marché Sillon, où ces files d'attente se font remarquer jusqu'à maintenant. Sur la station Top One, il y a du carburant, mais on le donne qu'à ceux qui ont de bons. Les stations Kobil qui se trouvent près de Connette Léo, station Kobil Chanik, station Engen Chanik, station Kobil quartier industriel, il n'y en a pas. Radio Isanganiro Chronique. Place maintenant à la chronique environnement de ce vendredi. S'observent des maisons construites anarchiquement tout près du lac Tanganyika, de même que près des rivières qui s'y déversent. L'expert Bernard Sindayehebura estime que dans leur culture, les Burundais aiment la terre, mais quoi qu'il en soit, ces constructions ne respectent pas le code burundais de l'eau. Il appelle les Burundais à se conformer à ce code dans leur construction, mais aussi le gouvernement devrait les sensibiliser davantage dans ce sens. La chronique nous est présentée par Léonce Vitalihu. Les gens s'arrogent le droit de construire anarchiquement tout près des eaux du lac Tanganyika. L'expert Bernard Sindayehebura, enseignant à l'Université du Burundi, estime que c'est simplement parce que les Burundais aiment la terre, sinon le code de l'eau n'est pas suivi dans ce cas. On voit tout d'abord qu'il y a des maisons qui sont implantées anarchiquement, je souligne le mot anarchie, parce que tout d'abord, on les a implantées dans ce qu'on appelle une zone inconstructive, c'est-à-dire une zone en dessous de laquelle il ne fallait pas construire. Et dans certains endroits aussi également, je l'ai vu sur la rivière Nyabagere. Les gens ont construit même sur les rives. En 1964, lorsque le lac Tanganyika avait débordé, on avait défini ce qu'on appelle une altitude ou la côte d'alerte, c'est-à-dire 775 mètres, c'est-à-dire en dessous de laquelle il ne fallait pas construire. L'expert indique qu'il y en a qui construisent et même dans l'eau. Il affirme que le code de l'eau n'est pas respecté et à l'intérieur du pays et en mairie de Bujumbura. Partout au niveau national, donc la loi n'a pas été donc respectée. À titre d'exemple, à l'intérieur du pays, à Gitega, on voit qu'il y a même beaucoup de gens qui ont construit dans les marais. Et lorsqu'on construit dans les marais, on construit donc les latrines. Vous savez que les latrines, ce sont les éléments qui polluent beaucoup plus actuellement. Et puis, lorsque maintenant, on va boire donc de l'eau qui est contaminée, les gens donc seront malades. Et imaginez-vous alors le coût de l'inaction. Il y a les gens qui vont tomber malades, on va les soigner ou on peut les perdre aussi également. Bernard Sindayehebura estime qu'il y a des maisons qui sont actuellement menacées par des rivières torrentielles, victimes d'avoir été bâties à des endroits qu'il ne fallait pas. Si on rivière de lac Tanganyika, on voit maintenant beaucoup de maisons qui sont implantées, de belles maisons qui coûtent énormément cher. Comme il y a beaucoup de rivières agressives et torrentielles qui affouillent actuellement, on voit beaucoup de maisons qui sont menacées. C'est vraiment donc un problème et cela coûtera beaucoup parce que tout d'abord, à une certaine période, il faudra en tout cas tout d'abord, lorsqu'on aura effectivement donc les moyens, relocaliser ces gens qui sont là. Cet enseignant d'université soutient que tout est lié à l'action humaine. Il appelle les populations au respect strict du code de l'eau pour construire leurs maisons, mais aussi le gouvernement devrait les sensibiliser beaucoup plus car le coût de l'inaction sera énorme pour faire tardivement ce que l'on devait avoir fait avant. Ainsi se referme ce journal. À vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive, je vous dis merci et vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.